malgré que les mois passent, je ne pense qu'à toi. Quand les journées se lassent, je ne pense qu'à toi. Mes amis me ramassent, moi je ne pense qu'à toi. Et quand cette blonde me chasse, je ne pense qu'à toi. Et toi, que fais-tu? Dans quel bras t'endors-tu? Est-ce que tu lui dis les mêmes mots que tu m'as dit? Est-ce qu'il t'appelle ma chérie? Est-ce qu'il s'appelle Anthony? J'ai joué avec les vents passeurs, je ne pense qu'à toi. Mon espoir boit la tasse, et moi je ne pense qu'à toi. Ma joie fait la grimace, et moi je ne pense qu'à toi. Démons se prélassent, car je ne pense qu'à toi. Et toi, que fais-tu? Dans quel bras t'endors-tu? Est-ce que tu lui dis le même mot que tu m'as dit? Et toi, que fais-tu? Dans quel bras t'endors-tu? Est-ce que tu lui dis le même mot que tu m'as dit? Est-ce qu'il t'appelle ma chérie? Est-ce qu'il s'appelle Anthony? Anthony. Malgré que les mois passent, je ne pense qu'à toi. Et quand cette blonde me chasse, je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi.